Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 39. De la bonté et de la malice, de la douleur ou de la tristesse. Que la tristesse est quelquefois bonne, honnête, utile. La douleur du corps n'est pas le souverain mal. 1. Toute tristesse est-elle mauvaise? Quoique la tristesse, considérée absolument, soit mauvaise en tant qu'elle empêche la volonté humaine de se reposer dans le bien, elle est cependant bonne hypothétiquement, dans la supposition de la présence d'un mal attristant ou douloureux, comme la honte est convenable dans l'hypothèse d'une action qui doit faire rougir. Si l'homme ne souffrait pas ou ne s'affligeait pas d'un malheur présent, cela ne pourrait venir que de ce qu'il ne le sentirait pas ou de ce qu'il ne le regarderait pas comme un mal. Et cette insensibilité ou ce jugement accuserait également une mauvaise nature. Il est donc manifeste que la tristesse ou la douleur est un bien dans la supposition d'un mal présent. Au moral comme au physique, le sentiment qu'on en éprouve et la résistance qu'on lui oppose attestent la bonté de la nature humaine. 2. La tristesse peut-elle être un bien honnête? La tristesse est parfois non seulement un bien, mais un bien honnête. Il faut qu'il en soit ainsi, puisque le Sauveur a dit « Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés » Matthieu 5, 5. Paroles qui promettent à la tristesse et aux larmes les récompenses de la vie éternelle. Nous disions tout à l'heure que la douleur est un bien, quand on sent le mal et qu'on le repousse, qu'est-ce que cette répudiation du mal dans la douleur corporelle, sinon la preuve d'une bonne nature? Dans la douleur intérieure, la connaissance du mal ne peut-elle pas aussi provenir de la rectitude de la raison, et la résistance au mal, des bonnes dispositions de la volonté? Le bien honnête a précisément pour principe la rectitude de la raison et la droiture de la volonté, la tristesse peut donc en avoir le caractère. 3. La tristesse peut-elle être un bien utile? On lit dans la Sainte Écriture, le cœur des sages se trouve où est la tristesse, et le cœur des insensés où est la joie. Ecclésiaste 7, 5. La tristesse est utile, premièrement, quand elle a pour cause ce que l'on doit fuir, par exemple, le péché, dont on conçoit de la douleur. Je me réjouis, écrivait saint Paul aux Corinthiens, 2, 6, 9, non de ce que vous avez eu de la tristesse, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la pénitence. Secondement, lorsqu'elle nous préserve de l'attachement déréglé au bien temporel, qui occasionne tant de maux. Il vaut mieux, nous dit le Saint-Esprit, aller à la maison du deuil qu'à celle du festin, car, dans la première, on est averti de la fin de tous les hommes. Ecclésiaste 7, 2. Pour conclusion, la tristesse que tout mal à éviter traîne à sa suite est utile, nous repoussons alors, avec une double force, tout à la fois le mal lui-même et la douleur que tout le monde fuit. Note. Au témoignage même de l'Esprit Saint, dira quelqu'un, la tristesse en a tué plusieurs et n'est utile à rien. Ecclésiastique 30, 23. Mais l'Ecclésiastique parle, en cet endroit, de la douleur excessive qui absorbe l'âme. Celle-là, en effet, n'est utile à rien, parce que, paralysant nos facultés, elle nous rend impossible la fuite du mal. Fin de la note. 4. La douleur du corps est-elle le souverain mal? Il faut se garder de croire que la douleur, notamment celle du corps, soit le souverain mal de l'homme. Le péché, dont elle est le châtiment, constitue certainement un plus grand mal. Aucune tristesse ou douleur ne saurait constituer le mal souverain. En effet, nous attristons-nous d'un mal véritable? Il n'y a pas en cela de souverain mal, nous serions plus à plaindre, si nous ne nous en attristions pas. Nous attristons-nous d'un bien réel, qui nous paraît un mal? Il n'y a pas encore ici de souverain mal, il serait pis pour nous d'être écartés du véritable bien. Donc la tristesse ou la douleur n'est pas le souverain mal de l'homme. Note. Dans toute hypothèse, la douleur est mélangée d'un bien, dont l'absence rendrait le mal pire, la répugnance de la volonté pour le mal est toujours un bien. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.